Vous écoutez France Culture. Deuxième temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire des Vikings. Hier, nous vous avons expliqué avec Jean-Marie Levesque combien il était difficile face à un public qui est nourri de l'image et des imageries créées pour beaucoup d'entre elles au XIXe siècle de se retrouver quelquefois dans un musée dans lequel il y a peu d'objets, voire pas d'objets vikings. Et donc, avec toutes ces représentations qu'ils ont dans la tête, comment leur expliquer ce qu'étaient véritablement ces Vikings? Hier, nous avons tenté de le faire, justement de commencer à démêler le vrai du faux. Demain, nous nous demandons grâce à des textes médiévaux, quelle était la vie quotidienne des Vikings sur leur territoire en Scandinavie. Jeudi, nous nous demanderons comment ils ont conquis d'autres territoires que la Normandie, en particulier la Russie. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce cas normand avec un documentaire qui est signé Perrine Kervran et Véronique Samouinoff. Elles se sont rendues en Normandie pour tenter de comprendre ce qu'on pouvait dire justement de ces Vikings en Normandie. Qui étaient-ils? Comment étaient-ils arrivés en Normandie? Quelles étaient leurs vies lorsqu'ils étaient encore de ce qu'on a appelé des pillards? Mais comment sont-ils devenus ensuite des Normands? Comment certains d'entre eux sont devenus ducs de Normandie? C'est ce que raconte ce documentaire de Perrine Kervran et de Véronique Samouinoff jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire avec les analyses d'Elisabeth Riedel, de Jacques Le Mao, de François Neveu, de Cyril Marcigny et de Pierre Baudouin. Les Vikings sont devenus ducs de Normandie. Un casque à cornes, des tresses, une barbe et une hache biface entre les dents, immédiatement, le Viking apparaît. Mais une fois le déguisement enlevé, qui est vraiment cet homme du Nord venu de Scandinavie, pêcheur ou pillard, qui, une fois débarqué de son drakkar et installé dans le royaume franc, a fini par devenir duc de Normandie? Comment passe-t-on du hareng au camembert? Et on retrouve la trace de ces Nordman dans les drakkars de la tapisserie de Bayeux, qui raconte comment Guillaume le Conquérant, en bon descendant de Viking, a mis la main sur l'Angleterre. Enfin, la flotte est prête. On charge les navires. Rien ne saurait être négligé pour une telle expédition. On porte à bord les cottes de mailles, les lances, les épées, les casques, sans oublier le vin, bien sûr. Remarquez le tonneau. Voilà, on a la plus belle scène concernant les navires. Donc là, on est à Bayeux, donc dans le musée de la tapisserie de Bayeux. On est face à cette tapisserie qui fait 70 mètres de long, à peu près 50 cm de hauteur. Donc cette tapisserie qui raconte comment Guillaume le Conquérant est arrivé en Angleterre, s'est emparé de l'Angleterre. Et là, on est devant des bateaux. Alors on dirait bien des drakkars. Donc il y a ces voiles bicolores ou tricolores rayées, cette voile unique sur un mât central, et puis à l'avant des bateaux, ces têtes, ces figures de proue en forme de dragon, on dirait. Alors est-ce qu'il s'agit de drakkars, Elisabeth Riedel, François Neveu? Alors le mot drakkar, il faut savoir qu'il a été inventé, on sait même la date précise, 1848, par un historiographe de la marine, Augustin Jalle. Il est inspiré du mot dreki, alors ça existait là, dans les sagas, le dreki c'est le dragon qui désignait effectivement le navire de guerre. Donc le mot drakkar, c'est un mot du 19e, il est tellement connu maintenant dans la langue française qu'on peut le garder, même si c'est une erreur, c'est pas très grave j'allais dire. Alors, est-ce qu'il s'agit de drakkars normands, de drakkars danois, de drakkars scandinaves qui vont à l'assaut de l'Angleterre? Oui, mais là, je peux répondre. Donc, En réalité, c'est le même type de navire, exactement le même type de navire. On a retrouvé donc ce type de navire dans des fouilles archéologiques, notamment dans le monde scandinave. Et ici, on a une image exactement conforme. Alors, c'est intéressant parce qu'on n'est pas la même période. On est à peu près 2 siècles après les grandes invasions scandinaves. Et donc, cette tradition des navires vikings a été conservée dans la Normandie des Ducs, hein, qui est pourtant, finalement, un état très différent, beaucoup plus français que viking, en réalité. Mais la tradition des navires vikings a été conservée. Et là, le navire que nous voyons là, juste en face, c'est un navire qui est bien connu, puisque c'est le navire de Guillaume le Conquérant lui-même. Pas encore conquérant, d'ailleurs, en train de conquérir l'Angleterre. Et ce navire, nous est connu par un texte, et avec une description extrêmement précise. On sait son nom. Il s'appelait le Mora. Alors, avec des chevaux, des hommes à l'intérieur, on voit sur cette broderie, sur la tapisserie, on voit bien effectivement les chevaux, les soldats. Alors ça, c'est une différence importante par rapport au monde des Vikings. Les Vikings ne combattaient pas à cheval, ils combattaient à pied. Mais en revanche, les Normands sont des chevaliers et maîtrisent très bien l'art du combat à cheval. Donc les chevaux sont devenus indispensables. Et donc ils transportent leurs chevaux, leurs destriers, leurs chevaux de guerre. Et ici, à la scène 39 qui est sous nos yeux, on voit le débarquement de chevaux. Le grand jour est venu. Au coucher du soleil, le 27 septembre, la flotte portée par un vent enfin propice se dirige vers l'Angleterre. Cette fresque, avec tous ses navires, est peut-être une des plus grandioses de la tapisserie. Il s'en dégage une impression de force irrésistible. L'allégresse est dans tous les cœurs et même, voyez dans le troisième navire à partir de la gauche, les chevaux aussi rient. Et le personnage qui tient la barre est probablement Guillaume lui-même. Donc on voit les boucliers qui sont alignés sur le plat-bord. Ils sont rangés différemment parce que les boucliers étaient oblongs chez les Normands, alors chez les Vikings ils étaient ronds. On les installait sur le plat-bord et là les Normands les ont mis autrement. Mais sinon la silhouette, le type est bien scandinave, ça c'est sûr. Hein. Est-ce qu'on sait si Guillaume le Conquérant revendiquait lui aussi ses origines vikings ? Ah oui, mais il était fier de descendre de ces princes vikings, effectivement. Si bien que les méfaits des vikings n'ont jamais été vraiment sanctionnés. Et, par exemple, les vikings ont tué un certain nombre d'évêques. Et ces évêques tués par les vikings n'ont jamais été considérés comme des saints, parce que ça aurait été gênant pour la dynastie régnante. Parce qu'il fallait faire cohabiter à la fois le fait que ces vikings étaient des envahisseurs, mais qu'ils sont devenus les ducs de Normandie. Absolument. Mais je pense que la tapisserie nous apprend aussi autre chose, hein, qu'on pourrait voir en avançant peut-être un petit peu par ici. Devançons la foule. Je vais vous montrer une autre scène très intéressante. Donc là, on voit tous les chevaliers qui galopent vers l'Angleterre, qui sont dans la bataille. Alors c'est ça que je voulais vous montrer dans cette scène qui est une scène importante de la bataille d'Hastings. L'échange de lances et de flèches, voilà. Les soldats en côte de maille ou pas, hein, derrière des boucliers. Voilà, mais justement, on voit donc les Normands qui combattent essentiellement à cheval, il y a aussi des archers du côté normand, mais du côté anglais, ce sont des fantassins, uniquement des fantassins. Et l'influence scandinave, elle existe aussi en Angleterre, puisqu'il y a eu une longue occupation scandinave d'une bonne partie de l'Angleterre, avec plusieurs royaumes, notamment le royaume d'York. Et les troupes d'élite qui sont ici représentées de l'armée anglaise, on les appelle des Huskarlar. Huskarls en anglais, mais Huskarlar en scandinave, hein, ce sont donc des gens d'origine scandinave, et qui combattent à la manière scandinave. C'est-à-dire qu'ils utilisent en particulier, on le voit ici, regardez, la grande hache de combat. La grande hache de combat, qui est une arme typiquement scandinave et qui est une arme extrêmement redoutable, puisqu'elle est capable de couper les têtes, de tuer les chevaux. Vous voyez, on voit justement des morts qui ont leur tête coupée. Décapités. C'est ce type d'arme qui est tout à fait caractéristique. On voit les flèches plantées dans les boucliers. Exactement. L'action devient furieuse. Les pertes sont sévères, la confusion règne. Nous voyons un cavalier normand en bas de sa monture attaquer avec son épée un fantassin anglais armé d'une hache. Tous luttent sans merci dans de meurtriers corps à corps. La frise inférieure continue à être jonchée de morts, de boucliers, d'épées. Le sang coule à flots. Those fortified towers. Alors peut-être qu'on peut profiter de ce, de cette image qu'on a devant nous, de ces bateaux qui arrivent, pour peut-être essayer de résumer la façon dont sont arrivés dans ce qui allait devenir la Normandie, ces Scandinaves, et en sont partis à l'assaut de l'Angleterre des Normands. Comment s'est fait cette transformation ? Oui, au départ, ce sont des pirates qui ravagent notamment la Normandie, mais pas uniquement, et toutes les côtes de l'ouest de la France, de l'Angleterre également. Le pillage qu'ils opéraient dans des pays considérés comme riches, et qui étaient riches effectivement, c'était aussi une manière de s'enrichir alors qu'ils vivaient dans un pays pauvre. Et donc ils ramenaient ces richesses et ils retrouvaient leurs femmes et leurs enfants pendant l'hiver, parce qu'il y a aussi une question de climat, hein, c'est-à-dire il fait beaucoup plus froid en Scandinavie, comme vous le savez. Donc dans un premier temps, les expéditions sont courtes, elles ne durent que quelques mois d'été. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle ils ont fini par s'établir, parce que c'était trop court, on ne pouvait pas aller très loin, et donc ils finissent par s'établir, notamment dans des zones très favorables, comme par exemple la vallée de la Seine. Et à partir de 862, vous avez des troupes qui s'installent en quelque sorte à demeure dans les sphères de la Seine. Alors une fois qu'ils ont pillé le pays, qu'il n'y a plus rien à piller, eh bien ils... J'utilise une autre tactique qui est de s'installer sur place. Et c'est exactement ce qu'ont fait les Normands de Normandie, et notamment la troupe de Rollon. La troupe de Rollon qui a commencé par piller, par détruire des villes comme Bayeux, par exemple, on le sait. Et ensuite, qui a négocié avec le roi de France de l'époque, le roi des Francs, Charles le Simple, qui a concédé à Rollon et à sa troupe un territoire. C'était le comté de Rouen. Et petit à petit, Rollon a agrandi ce territoire, notamment du Bessin avec Bayeux, et puis son fils du Cotentin également, et donc c'est devenu la Normandie. Alors, si on imagine le trajet de ces Vikings sur les terres normandes, il faut les imaginer grimpant les berges et les coteaux vers l'abbaye de Jumièges, déferlant sous ses grands arbres, poursuivant les moines autour des châtaigniers où d'habitude ils s'abritaient du soleil. Des moines terrifiés par ces bandes de pillards qui remontent la Seine en passant par Honfleur et qui s'abritent dans les boucles de la Seine pour venir incendier les monastères. Alors on est sous un châtaignier qui nous protège de son ombre, et on peut imaginer peut-être que de... Alors, soit de Scandinavie, soit d'Angleterre, arrivaient ces bateaux sur la Seine qui passaient à côté du Havre et de Honfleur, et puis remontaient jusqu'à Rouen en s'arrêtant comme ça dans les boucles de la Seine, et puis débarquaient à pied pour piller, incendier. Peut-être pour nous faire une image comme ça de ce que les habitants locaux pouvaient voir. Ah oui, quand on lit la chronique de l'abbaye de Saint-Vendry, l'abbaye de Fontenelle, eh bien là, on a vraiment l'image tout à fait classique. Celle qu'on en voit dans tous les manuels, du viking pillard. Et c'est, on sent vraiment l'émotion là. Ce qui est très intéressant, c'est que le moine écrit finalement relativement peu de temps après ces événements. Ce qui est remarquable également, c'est de voir qu'il commence sa chronique par le récit de ce raid. C'est-à-dire que vraiment, on a le sentiment que ces moines de Saint-Vendry, mais certainement aussi les moines de Jumièges, étaient conscients de vivre un moment critique de leur histoire. C'est-à-dire que c'est une nouvelle page de l'histoire de leur monastère qui s'ouvrait là, parce qu'ils savaient bien que rien ne serait plus comme avant. Et c'est effectivement un monde qui va disparaître. Ces abbayes carolingiennes, c'était une splendeur, c'était des bâtiments incroyables. Les hôtels étaient ornés d'or, d'argent, de pierreries. Et bien c'est ça finalement qui attirait les Vikings. On peut très bien, on a sous les yeux le coteau de la Seine, on peut très bien imaginer. Comme on peut imaginer aussi le passage des navires marchands, parce que si les Vikings ont été attirés par la vallée de la Seine, c'est aussi parce que c'était connu pour être une voie de commerce très importante, on pourrait dire, sans exagérer, même de caractère international, hein, puisque c'était la principale porte de la Francie vers les îles britanniques. Il y avait un commerce extrêmement intense. Et d'ailleurs, ces abbayes carolingiennes jouaient un grand rôle dans l'animation de ce commerce. C'est ce qui leur apportait toutes ces richesses qui ont attiré les Vikings à partir du début du 9e siècle. Peut-être vous pouvez nous amener, Jacques Lemao, jusque dans la partie la plus ancienne de l'abbaye de Jumièges, où il y a des traces des incendies perpétrés par les Vikings. La partie la plus ancienne, qui est l'église Saint-Pierre. On estime aujourd'hui qu'elle a été construite au début du 9e siècle. Et on sait que les Vikings donc, ont mené leur premier raid en 841. Et après avoir détruit la ville de Rouen et incendié la cité, sont redescendus, ont brûlé le monastère de Jumièges. Peut-être que vous pouvez nous montrer à quel endroit vous avez trouvé ces traces. Eh bien, c'est au niveau des ouvertures de la tribune, de la nef, qu'on voit des traces de feu qui se voient au niveau du taillis. De toute façon, à partir de ce moment-là, l'insécurité a régné de façon quasi permanente jusqu'au début du Xe siècle. Les moines de Jumièges vont rester encore quelques années, mais comme les raids se reproduisent à intervalles de plus en plus réguliers, donc cette abbaye va être abandonnée et elle va rester à l'abandon pendant très longtemps. Nous sommes à l'ouest de l'église. Alors là, nous avons une peinture qui est très énigmatique. C'est un fragment qui présente un buste d'homme. Et c'est susceptible de dater du début du 9e siècle. Donc on voit un visage d'homme presque effacé. Voilà, mais c'est très émouvant parce que c'est probablement donc l'ultime vestige du décor peint de cette église telle qu'elle se présentait lorsque les Vikings sont arrivés et ont incendié le monastère. On devine ses sourcils, son regard. Et puis, archéologiquement, il n'y a rien. Nous, on espérait des drakkars, on espérait des trésors, on espérait. Et puis, il n'y a aucune trace archéologique, probablement qu'il n'y en aura jamais. Il faut bien comprendre que beaucoup de ces colons nordiques de la première génération ne venaient pas directement de Scandinavie, mais avaient transité par les îles britanniques. Donc, on ne peut pas s'étonner que les objets ne soient pas clairement identifiables comme étant d'origine scandinave, puisque déjà, c'était des populations qui avaient été assimilées par leur séjour en Angleterre. Donc, il y avait déjà une espèce d'osmose avec la culture locale. Cela étant, on a conservé aussi un assez grand nombre d'armes, des épées, des lances, trouvées dans le lit de la Seine. Et dont la présence peut être en rapport aussi avec ces raids, puisqu'on sait que la Seine était évidemment la principale voie de pénétration pour ces groupes nordiques qui remontaient en direction du domaine royal. Mais c'est à peu près tout. Il y a assez peu de chances en fait qu'on trouve beaucoup d'objets spécifiquement nordiques. À cela s'ajoute le fait que ces groupes n'étaient sûrement pas numériquement très importants, donc ils étaient plus ou moins fondus dans la population. En tout cas, à partir d'un certain temps, puisqu'au départ, on peut penser qu'il y ait une espèce de cohabitation en fait, entre ces groupes nordiques et puis les populations locales. Alors il y a une période assez incertaine, aux alentours de 900, où on voit cohabiter en fait, ces deux groupes et apparemment ces deux cultures. Et c'est peut-être là que les tensions ont été les plus vives, puisqu'on parle d'assassinats, de prêtres. Enfin, on voit bien que l'acculturation a été assez lente. Et évidemment, ce n'est pas aussitôt après le baptême de Rollon que la paix est revenue. Donc il y a une lente fusion de ces groupes. Donc le premier acte vraiment significatif, c'est... la décision qui a été prise par Rollon, mais apparemment pour satisfaire la population rouennaise, c'est d'autoriser le retour des reliques de Saint-Ouen. Saint-Ouen qui était le saint patron de la ville de Rouen. Alors pour Roland, c'était quand même un acte important parce que politiquement, c'était pour lui le moyen de se concilier la population chrétienne résidant à Rouen. Et on peut considérer qu'à ce moment-là, il y a vraiment une symbiose des deux pouvoirs. Enfin, le pouvoir religieux, enfin, qui était représenté en l'occurrence par l'archevêque de Rouen, hein, qui résidait à Rouen. Et finalement, c'est ça qui a assuré la pérennité de la fondation de l'État normand. L'accord s'est fait, et les termes de l'accord, ben, c'est sur la base de l'acceptation par Roland du baptême. Ça, c'était important, c'était vraiment la condition essentielle exigée par l'Église franque, c'est que ces Normands se fassent chrétiens et donc se mettent au service du roi de France. On sait pertinemment qu'ils ont continué à mener des raids, mais vis-à-vis du pouvoir royal, il a vraiment joué le jeu. Et son fils Guillaume Longuepée est passé pour être... on a voulu le faire passer, en tout cas dans les chroniques normandes, comme un des principaux fidèles du roi de France. Donc c'est assez remarquable de voir que ces descendants des Vikings se posaient comme ensuite les principaux défenseurs de la royauté franque. Les Vikings se sont donc rangés des voitures. Ils ont renoncé au pillage et ont embrassé la religion pour s'établir et diriger le duché qu'on leur a octroyé. Mais comment établir la glorieuse geste des puissants ducs de Normandie en faisant oublier leur passé de pourfendeurs de moines? Et comment redonner un peu de prestige aux origines vikings et faire en sorte que l'on puisse désormais s'en vanter? C'est tout l'art des chroniqueurs du Moyen-Âge de savoir bien réécrire les histoires et broder sur le motif des tapisseries. On ne saurait laisser passer la scène 10 sans vous inviter à regarder la frise du bas. Admirez tout particulièrement le dessin de la main venue du ciel. Il est parfait. Donc on peut dire qu'à l'origine de la Normandie, il y avait donc ce chef viking, Roland, qui est devenu un chef normand. On le connaît relativement bien grâce à un auteur du Xe siècle, hein, qui est Dudon de Saint-Quentin, et qui a écrit la vie des premiers ducs de Normandie, des quatre premiers ducs de Normandie, donc Roland et ses successeurs, hein, Guillaume Longuepée, et les deux Richard, Richard Ier et Richard II, qui couvrent tout le Xe siècle. Alors peut-être vous pouvez, alors même si on sait bien que le récit de Dudon est forcément un récit orienté, un récit à la fois qui doit être à la gloire des ducs normands et puis à la gloire de la religion chrétienne, mais peut-être nous dresser avec ce qu'on peut savoir un portrait de Roland. Oui, on pense qu'il était sans doute d'origine norvégienne en réalité, alors que la majorité des Vikings sont plutôt danois dans cette région-là. Et il existe une saga, hein, qui nous donne des précisions. Alors évidemment, les sagas sur le plan historique sont parfois discutables, mais elles sont tardives, hein, mais elles mettent par écrit des traditions orales qui sont beaucoup plus anciennes. Et dans les sagas, il est question d'un personnage qui s'appelait Rolf le Marcheur. Rolf, c'est le nom scandinave de Roland. Rolf le Marcheur, qui aurait été tellement grand qu'il ne pouvait pas monter sur un cheval parce que ses pieds traînaient à terre. Il était donc obligé de marcher. Bon, c'est la légende rapportée par la saga. Et donc, ce personnage serait arrivé en Gaule vers 876, donc très tôt, hein, dans le 9e siècle. Ensuite, il aurait combattu... plutôt d'ailleurs au service des Anglais contre d'autres groupes de Vikings. Et donc dans sa troupe, il a rassemblé aussi des Anglais. Et ensuite, nous connaissons le siège de Bayeux qui se situe vers 890. Roland a aussi participé au célèbre siège de Paris à peu près dans les mêmes années. Ensuite, c'est en 911, alors en 911, à la suite d'une bataille où il a été vaincu d'ailleurs, la bataille de Chartres, qu'il a obtenu ce territoire du comté de Rouen. Alors, est-ce qu'on peut différencier peut-être ces Vikings qui sont arrivés avec Roland, alors peut-être avec l'idée, effectivement, de s'installer, d'acquérir des responsabilités, de prendre en charge un territoire, en tout cas avec une volonté de coloniser, mais en tout cas de conquérir quelque chose, et puis peut-être d'autres Vikings qui sont venus avant, qui viendront après, qui viennent individuellement pour commercer, pour faire autre chose, et finalement qui font ce mélange? Au départ, ça n'est pas si facile que ça de leur faire accepter une autorité, puisque c'était des groupes qui étaient très libres, chacun avec un chef. Et donc le duc de Rouen, le duc normand, a eu beaucoup de mal à s'imposer. Et il y a eu d'ailleurs des révoltes de Vikings qui n'acceptaient pas cette domination du duc de Normandie. Mais finalement, il a fini par l'emporter et a créé un État véritablement fort, hein, l'État le plus fort du royaume de France de cette époque-là. Et donc c'est à partir de là que la dynastie des ducs s'est installée. Est-ce qu'on sait s'il a fondé une famille ? Oui, on peut considérer qu'il était polygame en réalité. Et on lui connaît plusieurs femmes. Mais il y en a une qui est intéressante, en particulier à Bayeux, c'est Popa. Hein. Popa qui était la fille du comte Béranger. Donc c'est le comte qui dominait la région de Bayeux dans les années 890. Et à la suite de la prise de la ville, il a donc épousé, alors on appelle ce type de mariage moré d'Anico, à la manière danoise. Ce n'est pas un mariage dans les formes, mais c'est un concubinage qui finalement devient légal, puisque les héritiers issus de tel mariage sont reconnus comme des descendants légitimes. Et c'est ainsi donc qu'est né son fils, Guillaume Longue-Épée, qui sera le second duc de Normandie. Ça dépend des heures, mais on entend les cornes. Ouais. Popa, donc, c'est une princesse franque, et donc c'est une captive, hein, qui a été faite prisonnière, et donc c'est une concubine qui est devenue donc la compagne du duc, dont ça faisait partie des traditions de ces Vikings de s'emparer des femmes, des vaincus. Comment savoir qui étaient ces personnages ? Popa, la comtesse captive, Rolf, devenu Roland, qui est à la fois duc et viking. Et comment comprendre ce qui s'est passé entre l'arrivée des Vikings en Normandie et un matin d'été où l'on a rendez-vous impasse Roland avec Pierre Boudouin dans le jardin de l'abbaye aux hommes fondé par Guillaume le Conquérant. Un jardin idéal, avec arbres fruitiers, un puits moussu, des fleurs des champs, des pies, des tourterelles, de la vigne folle accrochée au vieux mur. Est-ce que Roland est aussi artificiel et réinventé que ce faux jardin médiéval ? Alors donc, vous nous avez donné rendez-vous impasse du duc Roland. Alors peut-être qu'on peut évoquer cette figure de Roland. Donc il est le premier duc de Normandie, il obtient la Normandie grâce à un traité, je crois. Alors comment on connaît ce traité ? Comment ça s'est passé, cette affaire ? Il est probable qu'en 911, au moment du traité de Saint-Clair-sur-Epte, c'est pas un barbare fraîchement débarqué de Scandinavie, il a déjà une longue carrière derrière lui, il est même probable qu'il a déjà eu des relations d'alliance, voire de parenté avec un certain nombre d'aristocrates du monde franc. Le traité de Saint-Clair-sur-Epte, effectivement, c'est un accord entre Roland et les siens, et puis le roi de français occidental, Charles le Simple. Et Charles le Simple lui accorde ce territoire avec l'accord, bien sûr, des seigneurs locaux. Qu'est-ce que Roland doit faire en échange ? En échange du territoire qui lui est concédé, Roland doit devenir le fidèle de Charles le Simple. Et puis, il doit également assurer la protection du royaume. Il y a une autre clause qui est très importante, qui est la conversion de Roland, conversion qui va être réalisée quelque temps après. Et est-ce qu'on sait si Roland a respecté cette clause ? Est-ce qu'il a effectivement défendu la Normandie contre d'autres incursions vikings ? Globalement, les Normands ont respecté l'accord de Saint-Clair-sur-Epte. Hein. Donc il n'y a plus de bande vikings qui remontent ensuite la vallée de la Seine. Quant à la conversion, là aussi, Le principal informateur, c'est encore du don de Saint-Quentin, qui nous raconte qu'en 912, Roland s'est converti donc au christianisme et eut comme parrain Robert, marquis de Neustrie, et il a fait également un certain nombre de donations à des établissements. Alors, le processus de conversion n'a pas été aussi facile que cela. On a une lettre du pape Jean X à l'archevêque de Reims. On apprend dans l'une de ces lettres que les Normands n'hésitent pas à se faire baptiser plusieurs fois, alors que c'est interdit par l'Église. Alors, est-ce qu'on peut savoir et peut-être comprendre pourquoi ces Vikings qui sont arrivés, ces hommes du Nord qui sont arrivés dans le royaume franc, sont venus finalement et puis ont abandonné assez vite leur langue, leur culture, ne sont pas venus avec, je ne sais pas, l'idée de conquérir, de coloniser un territoire, mais au contraire de presque s'y fondre. Je dirais qu'il faut là encore établir un certain nombre de comparaisons avec d'autres régions où le cas de figure n'est pas le même. On le voit par exemple en Angleterre, dans la partie orientale de l'Angleterre, dans le Danelaw, qui a été conquis par les Scandinaves à partir des années de la fin des années 860, où là l'empreinte scandinave était beaucoup plus forte et on a eu la création d'une véritable culture anglo-scandinave. On n'a pas eu la même chose en Normandie. Probablement parce que les Scandinaves qui s'y sont installés se sont intégrés très vite dans les cadres francs. Effectivement, il y a des formes d'organisation politique et sociale qui pouvaient servir de modèle. On a conservé un texte qui est le pote sur Louis le Pieux d'Hermold de Lenoir qui raconte la visite d'un roi danois, Harald de Plak, à la cour de Louis le Pieux. Le texte souligne bien l'attrait que pouvait représenter la puissance d'un roi franc. On a un passage où on voit Harald s'émerveiller devant la vaisselle royale, devant la splendeur de la cour. Et le fait de mener une expédition victorieuse qui ramène du butin et du prestige, c'est également conforter la position de celui du chef qui revient sur place. Donc c'est également conforter son pouvoir et éventuellement donc, ça lui permet de renforcer sa puissance et de revendiquer peut-être de manière plus active, on ne sait pas toujours, le pouvoir. Finalement, pourquoi les Vikings ont quitté la Scandinavie ? Au départ. Il y a une raison qui avait été anciennement avancée déjà par les auteurs médiévaux, qui était celle du surpeuplement. Du surpeuplement, de l'absence de ressources, c'est lié également à l'essor des activités entre les pays riverains de la mer du Nord qui amènent les Scandinaves, comme d'autres peuples avant eux, comme les Anglo-Saxons par exemple, ou les Frisons, à participer à ces activités et à vouloir également acquérir des richesses, quelle que soit la forme sous laquelle on acquiert ces richesses, que ce soit par le commerce ou bien par le pillage, le butin. Alors peut-être, Jacques Lemahou, on peut retracer les étapes qui ont fait qu'au départ du 9e siècle, on peut parler de raids, d'incendies, de pillages par les Vikings. Et puis finalement, au 10e siècle, 11e siècle, il y a une assimilation. Les Vikings ne sont plus des Vikings, ils sont désormais des Normands qui font partie du royaume franc à part entière. Quelles ont été les étapes en fait entre ces deux états ? Et on peut considérer effectivement que jusqu'à la fin du 9e siècle, c'est la phase militaire, ce sont les raids. Il est assez probable, à mon avis, qu'il y ait eu un premier accord vers la fin du 9e siècle, mais assez partiel, portant sur l'installation de groupes dans la vallée de la Seine, mais uniquement dans la vallée de la Seine. Mais alors surtout, évidemment, l'acte fondateur, ça a été le traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911. Et on voit ensuite que les étapes sont marquées essentiellement par la renaissance des monastères. Ça, c'est ça qui était très important. Donc l'étape qui était une étape aussi très importante, c'était le rappel à Jumièges d'un petit groupe de moines, par non pas Roland, mais son fils, Guillaume Longuepée, donc le second duc, qui lui était un fervent chrétien, alors que Roland était encore païen. Et donc on peut considérer que ce duc est à la fois franc par sa mère, puisque sa mère était d'origine chrétienne, et viking par son père Roland. Et à travers ce personnage de Guillaume Longuepée, eh bien, on a là vraiment comme un symbole de cette fusion des deux mondes, des deux cultures. En fait, les moines ne vont revenir qu'au début du Xe siècle, aux alentours des années 930. Juliège est une abbaye qui était installée un peu en aval de Rouen, au bord de la Seine, une abbaye qui avait son port fluvial, et c'est finalement par là qu'arrivaient tous les groupes nordiques qui remontaient vers Rouen. Rouen qui était encore, il faut bien le dire, un grand marché d'esclaves, et c'est là au moins jusqu'au milieu du Xe siècle. Et donc il y a une période encore assez incertaine où on voit arriver encore en Normandie des groupes de vikings païens. Et c'est justement une des missions de ces ducs de Normandie, soit de les refouler, soit de faire en sorte qu'ils s'intègrent par le baptême. Et on peut penser que Guillaume Longuepée lui-même a joué un rôle très important, puisque de toute façon, les ducs de Normandie avaient la tutelle de ces établissements monastiques, et c'était leur rôle que de les relever. Je suis. Donc on est dans ce grand parc de l'abbaye de Jumièges, au milieu des ruines de l'abbaye, au milieu des arbres très vieux, très grands. Un cadre très romantique. Très romantique au milieu des ruines. Donc on peut d'ailleurs se faire ainsi une idée de l'apparence de ces ruines donc quand elles ont été abandonnées par les moines. Et on sait effectivement que des arbres avaient poussé dans les ruines de l'église Saint-Pierre. Et ce sont des moines qui sont revenus, deux ermites qui sont revenus ensuite pour défricher le site. Alors c'est désormais une église à ciel ouvert, hein. On voit encore le chœur. Les arcades, les bas-côtés, mais la toiture a disparu. La toiture a disparu. Et fort heureusement pour nous, il reste deux travées de la nef carolingienne. Et donc là, on a sous les yeux l'édifice tel qu'il était lors du premier raid viking, 841, et tel qu'il était lorsque Guillaume Longuepée, découvrant pour la première fois ces ruines. D'ailleurs, la légende dit que c'est en poursuivant sanglier qui s'est laissé entraîner jusque sur ce site qu'il ne connaissait pas. Il a rencontré les deux ermites. On était là en pleine nature, dans un cadre qui était celui de cette grande abbaye ruinée depuis plusieurs dizaines d'années par les vikings. Et donc Guillaume Longuepée a décidé d'aider ses moines à relever l'abbaye. Et est-ce qu'on peut imaginer, Pierre Baudouin, qu'avant ce traité de Saint-Clair-sur-Epte qui installe le duché de Normandie, il y avait déjà des vikings qui étaient installés par petits groupes, peut-être qu'il y avait des comptoirs de commerce, ou il y avait déjà une intégration viking, les Normands étaient habitués, les Francs qui habitaient ce territoire qui deviendra la Normandie étaient déjà habitués à cohabiter avec les vikings. Il est probable qu'une installation à demeure a commencé effectivement avant 911. Donc l'hypothèse proposée par Jacques Le Mao est que les installations portuaires qui existaient sur la basse Seine avaient été évacuées vers la fin du 9e siècle, vers Rouen, et abandonnées à des Scandinaves qui avaient commencé leur implantation sur place. Ce qu'il faut mettre en évidence, c'est que... En particulier du fait des sources qui nous rapportent les incursions vikings, on a l'image de barbares, pillards, destructeurs. Alors certes, ils l'ont été dans bien des cas, mais on ne peut pas réduire les relations entre les Vikings et puis les Francs, et puis c'est vrai également pour d'autres régions, on ne peut pas les réduire simplement à la violence. Il y a aussi d'autres relations. On a parlé tout à l'heure des relations d'ordre commercial. Il y a également eu des compromis qui ont été élaborés entre les Francs et les Vikings. Je veux dire, ce n'est la violence, il ne faut pas la nier, évidemment. Il ne s'agit pas de faire ici dans la négation, mais ce n'a pas été le seul mode de relation qui existait entre les Francs et les Vikings. Les Vikings naviguaient le long des fleuves. Ils suivaient leurs méandres pour commercer ou piller les abbayes visibles de la rive. Aujourd'hui, on peut monter en voiture sur de grands bacs en métal pour traverser la Seine et aller d'une rive à l'autre. Et on peut alors, les cheveux au vent, tenter d'imaginer ce que les Vikings voyaient à bord de leurs drakkars. Les champs, les arbres, les clochers des villages et les panaches de fumée. On peut aussi se demander dans quel état d'esprit ils arrivaient sur les côtes de la Hague, dans les criques rocheuses de Saint-Germain-des-Vaux, à bord de petits bateaux à fond plat, plutôt décidés à s'établir comme pêcheurs que comme des pillards. Elisabeth Riedel, on est là devant la mer, on est sur un sentier côtier, assez loin des routes. Derrière nous, il y a une lande un peu râpeuse, pas très peu d'arbres, et puis on est entouré de petites criques rocheuses. La mer est calme, il n'y a pas de vent, le bleu du ciel se confond un peu avec le bleu de la mer, alors on est loin du brouillard auquel pourraient nous faire penser les Vikings. Et derrière nous, il y a un gros rocher. Nous sommes sur la côte de Saint-Germain-des-Vaux, nous sommes précisément dans le sentier des douaniers et nous sommes au pied de la roche Gélétan. Et si je vous ai emmené là, c'est parce que ce nom est scandinave et puis c'est une côte marquée au sens maritime du terme, c'est-à-dire par les Vikings, ils ont donné des noms aux points caractéristiques du littoral. Et ils nous ont transmis un petit peu leur carnet de pêche, un petit peu à travers ces toponymes. C'est la côte où il y a le plus de toponymes à valeur maritime, caractéristiques maritimes, donc des noms de baies. Alors vous avez des noms comme Pulvi, Sulvi, Kari. C'est formé avec l'ancien scandinave vik, qui veut dire la baie, en général qui désigne des petites baies. Hein. Les baies, alors il y a une baie assez intéressante, c'est Sulvi, la forme ancienne c'est Selvi, et c'est formé de l'ancien scandinave Sel, le phoque. Mais ça veut dire qu'il y avait bien des phoques, il y a bien des phoques dans la région, et donc cette baie-là a été nommée en fonction des animaux qui devaient la fréquenter. Et alors là, c'est tentant pour nous d'imaginer peut-être surgir de la mer de grands drakkars et puis des hordes de vikings débarquer, s'installer sur les côtes. Là, on continue sur le mythe viking, effectivement. Voilà. Alors c'est vrai que c'est tentant. Alors comment ils sont arrivés ici ? Alors c'est tentant, mais il ne faut pas imaginer des grands drakkars. D'abord, on voit que la configuration de la côte ne le permet pas. Hein, c'est plutôt vers Cherbourg, en tout cas, qu'il faudrait imaginer des grands drakkars. Et encore, il y a une chronique qui cite l'arrivée d'une flotte, effectivement, scandinave dans les années 1960. Bon, ça c'est possible, mais là non, faut pas imaginer à mon avis de grands bateaux de 30 ou 20 mètres de long. On voit bien la côte ne le permet pas, une côte extrêmement rocheuse avec beaucoup de rochers. Il faut plutôt imaginer de petits bateaux et donc des barques et des pêcheurs, donc ça donnant à des activités de la pêche du quotidien, hein, tout simplement. En Normandie, on achète encore du A, c'est encore mis sur les étals des poissonniers. H-A, avec un bel accent, un A bien long. Ça vient de l'ancien scandinave har, qui veut dire le requin. Et puis, ici, un nom très courant, ce sont les flis. Ce sont les patelles. Ça, c'est un nom scandinave. Aux îles Féroé, on dit les flia. Donc, ça ressemble tout à fait. Ici, ils sont très friands de patelles. Ils ont une bonne recette, apparemment. Ils utilisent nos beurres. Enfin, bon. Alors, je dis pas, c'est un vestige viking. Faut pas exagérer. Mais c'est un nom qui a été transmis. Ça veut dire aussi s'ils ont légué ces noms-là, ils n'étaient pas non plus en conflit. Il y a certainement eu un mode de vie entre eux harmonieux, je pense. Hein. Alors, si on essaie de comprendre comment tout ça a pu se mettre en place, Elisabeth Riedel, finalement, est-ce que ce sont des Vikings qui sont arrivés lors de raids 50 ans avant, qui sont restés dans la région, qui ont installé des petites baraques de pêche, ou est-ce que ce sont des individus qui sont arrivés directement de Scandinavie en bateau, ils étaient 5 ou 6, puis ils sont installés ici ? Il y a les deux phénomènes. Alors, sur le Cotentin, c'est Lucien Musset, il pense souvent à une lente immigration, des petits groupes, effectivement, qui vont s'approprier quelques domaines ici, et effectivement, qui vont nommer les points caractéristiques touristique du littoral. Donc c'est assez différent peut-être de la Seine, hein, où là on est plutôt sur des plus grandes entreprises. Hein. Donc il y a ce phénomène-là. Ensuite, est-ce qu'il venait directement de Scandinavie ? Eh bien non, il venait pas mal de Grande-Bretagne. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas qui venaient directement du Danemark. Ils longeaient les côtes, hein. Faut pas imaginer une navigation extraordinaire hein, à ce moment-là. Ils longeaient les côtes et quelques Norvégiens qui nous sont venus par les établissements d'Écosse et d'Irlande. Et justement, ici, dans la Hague, vous avez un nom comme Digulville qui vient d'un nom irlandais, Dicuil. Donc c'est certainement un Scandinave qui est arrivé par la mer d'Irlande. Hein. Donc ce qui fait que la toponymie ici de la Hague peut plutôt se comparer à ce qu'on trouve dans les Orcades, Shetland et Brides. Hein. D'ailleurs, le paysage ressemble et on a à peu près les mêmes genres de toponymes, les noms en vic, la petite baie. On a ici la boue. Alors la boue, ce n'est pas la boue auquel on est habitué, à laquelle on est habitué. Là, c'est le rocher à fleur d'eau. Ça aussi, c'est un terme scandinave. La grune, le haut fond. Là aussi, c'est un terme scandinave, plutôt norvégien. L'état, alors c'est l'état, qui veut dire le rocher en forme de pyramide. On a ça beaucoup aussi dans tout le golfe normand-breton, hein, dans les îles anglo-normandes, vous avez à peu près la même nomenclature utilisée. Et ça, c'est un héritage viking, un héritage nautique. En toponymie, il faut savoir qu'il y a deux types de toponymes en Normandie. Les noms en ville, vous avez dû remarquer qu'il y a plein de noms en ville. Quêteville, Auderville, Aumonville, là nous sommes pas très loin d'Auderville. Aumonville, qui est un mignon petit port de pêche. Donc c'est formé avec le latin villa, qui veut dire le domaine, qui désignait à l'époque médiévale le domaine rural, tout simplement, mais composé d'un nom de personne avant. Donc Aumonville est composé de Asmundr, donc c'est un Scandinave, qui est un nom de personne, un monsieur Asmundr. Donc ça veut dire, c'est le domaine d'Asmundr. Alors ça veut dire, il y a peut-être eu un chef viking qui s'est approprié, hein, j'en parlais tout à l'heure, cette appropriation des domaines francs. Et là, les vikings, on va dire, vont devenir normands. En fait, on va du viking au normand. C'est assez paradoxal de dire ça, mais les vikings ont pu être considérés comme les barbares, ça va être les Normands de Normandie. Finalement, c'est un peu partout, et en tout petit groupe, que se sont installés les hommes du Nord. Ils se sont fait discrets, ont adopté la langue locale, mais ont laissé quelques traces en nommant des lieux. Des noms qui sont encore utilisés aujourd'hui et qui font que trop souvent, on voit des vikings là où il n'y en a pas. Ils ont donc nommé le rempart recouvert de terre, d'herbes et de jeunes arbres que l'on devine encore dans les sous-bois normands et qui longent des champs cultivés. Et on peut, en passant sous des barbelés le long de la route, grimper sur le reste de cette fortification qui a marqué les vikings. Et là, on est donc au milieu des sous-bois. Face à nous, il y a des champs. On est sous les arbres et on est sur un petit tertre, une petite élévation. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un peu plus précisément sur quoi on se trouve ? Alors actuellement, on est placé juste au sommet du rempart du Hagdic. C'est pas une petite élévation, c'est une grosse élévation. Ça fait énorme élévation. Ça fait entre 5 et 8 mètres de hauteur, donc c'est plutôt quelque chose de très bien conservé pour un rempart aussi vieux. Donc le Hagdic, en fait, c'est une barrière qui a été érigée durant l'âge du bronze, en gros au XIIe siècle, mais avant notre ère, pour protéger le secteur de la Hague, la presqu'île de la Hague. C'est une période assez troublée, le 12e siècle avant Jésus-Christ. Et à cette époque-là, les gens ont décidé de s'enfermer, de se protéger derrière un gros rempart qui bloque complètement le retrécissement de la presqu'île de la Hague. Et alors, de se protéger de qui ? Alors là, on n'en sait rien. Voilà. C'est trop vieux pour qu'on sache de qui se protégeait. Peut-être juste des voisins, quoi. Pendant très longtemps, on a cru que c'était un rempart viking, à cause du nom, tout simplement, puisque c'est un nom de tradition viking. Mais les chercheurs des années 50 se sont lancés dans des fouilles pour prouver l'origine viking du rempart. Donc il y a une équipe qui a été montée par Michel Deboire avec un Suédois et un Danois, M. Armann et M. Ramskon. Le résultat de ces fouilles, c'est que le rempart date plutôt de la proto-histoire, donc de l'âge du bronze. Ça n'a pas empêché les gens qui ont continué d'utiliser le Hagdic d'en faire un rempart viking. Voilà. Pourtant, c'est ici qu'il y a eu une des premières datations carbone 14 pour l'ouest de l'Europe, hein, qui avait bien placé le rempart entre 900 et 800. Mais cette date, très curieusement, a été utilisée à l'inverse. C'est-à-dire qu'on est passé de 900 à 800 avant Jésus-Christ à 900 après Jésus-Christ dans la plupart des écrits d'historiens, permettant de clairement dire que c'était viking, alors que ce n'était pas le cas. Oui, parce que quand on arrive à l'entrée de Beaumont-Hague, on voit indiqué Hagdic et on voit comme un col de Drakkar à l'entrée de la ville. Donc effectivement, c'est vraiment ancré dans le territoire, j'imagine aussi un peu dans l'imaginaire des gens. Complètement, c'est en gros, depuis 50 ans, les gens pensent que c'est viking. Et pour arriver à faire comprendre l'inverse, ça prendra à nouveau 50 ans, je pense. Voilà. Et sachant aussi que finalement, dans le Cotentin et ailleurs en Normandie, on a finalement très peu de traces vikings. Et peut-être qu'on est un peu à la recherche de ces traces vikings. Je crois qu'on a arrêté maintenant d'être à la recherche des traces vikings, tellement on n'en trouve pas. C'est un des problèmes de l'archéologie. L'archéologie, c'est avant tout une étude de la culture matérielle. Il n'est pas certain du tout que ces gens qui soient venus de très loin soient venus avec des bateaux chargés de mobilier viking. C'est même pratiquement exclu, quoi. Quand ils sont arrivés ici, ils ont dû réutiliser le matériel local. Donc du coup, l'archéologie ne peut pas aider dans ce cas-là. Voilà, la culture matérielle n'est pas assez connotée. D'ailleurs, le mythe un peu autour du Hagdik est surtout né de là, c'est-à-dire que ce rempart proto-historique, hein, comme l'a dit très bien Cyril Marcini, il a un nom scandinave. Alors évidemment, on a voulu y voir forcément une adéquation entre le nom et l'objet et le rempart. Donc Hagdik, Diki, hein, la fin du mot c'est le talus, ce qui est vraiment ça, et Hag, alors, et qui désigne la Hague, hein, cette région où on est, la presqu'île de la Hague. Alors là c'est un petit peu encore controversé, a été proposé Aka, le menton au sens un petit peu métaphorique, c'est-à-dire ça désignerait le promontoire de la Hague, mais il y a aussi la solution de Hagi, qui veut dire l'enclos, et en fait on s'oriente plutôt sur cette seconde solution, et ça ne veut pas dire que effectivement la construction soit scandinave. Donc il faut imaginer des vikings, est-ce qu'on peut les appeler comme ça, qui arrivent et qui voient ce rempart, qui s'installent un peu dans la région et qui donnent un nom à ce lieu sur lequel ils tombent, mais qui est préexistant. Tout à fait. Alors, le mot préexistant est vraiment idéal pour enchaîner sur cette intégration des vikings. Selon les théories d'un historien, mais qui a déjà écrit ça en 1945, le grand Lucien Musset, hein, qui dit que les vikings ont plus renommé des domaines francs qu'ils n'en ont créé eux-mêmes. Et on n'est même pas sûr qu'ils aient même créé le moindre domaine. Hein, ils sont arrivés sur, on va dire, un territoire très bien structuré, mais depuis l'époque gallo-romaine. Hein, c'est pas du tout après restructuré selon les méthodes franques. Mais les vikings n'ont rien changé. Quand les vikings s'installent et après reçoivent officiellement les cessions par le roi des Francs, effectivement, ils s'installent dans des domaines tout préfabriqués, j'allais dire, ils les renomment. Et là, je reviens à l'archéologie, il n'y a pas à dire, on ne trouve rien qui reflète vraiment un village, un établissement de nos vikings. Passer les raids, ils attaquent les monastères, les moines rapportent leurs raids sanglantes, donc c'est les premières victimes, c'est pour ça qu'on a une image très négative, mais après, entre population locale et population scandinave, ils finissent quand même par s'entendre. Donc il y a des nouveaux seigneurs quand même qui se mettent en place, qui sont effectivement d'origine scandinave, mais ils n'ont pas remplacé la population, et la population n'a pas changé de langue, même si elle intègre quand même des mots d'origine scandinave, on a à peu près 155 hein, dans les patois de Normandie, et certains sont passés dans la langue française. Hein, on est très nuancé sur le terme colonisation en Normandie. On parle plutôt d'établissement. Pour moi, ils ne créent pas un État politique. On leur donne plutôt, j'allais dire, un territoire à gérer. Donc, ils le prennent en main, c'est sûr. Mais ce n'est pas pour ça que l'État qu'ils ont fondé est de nature scandinave. Il n'est pas de nature scandinave. Et en plus, la notion d'État, ils ne l'avaient pas vraiment à cette époque-là. Mais pourtant, il y a la preuve la plus solide, c'est le nom même de Normandie. Donc ce sont quand même bien les Nordman, les hommes du Nord. Ils ont donné leur nom à la Normandie. Mais ça n'empêche pas, finalement. Mais ça, ce phénomène de donner une cession à des étrangers, entre guillemets, ça s'est fait déjà dans l'histoire des Francs. C'est-à-dire, le meilleur moyen de se protéger d'ennemis comme ça, c'est de les intégrer. La grande supériorité des Vikings, c'est justement leur intégration. Merci à Pierre Baudouin, Jacques Lemao, Cyril Marcini, François Neveu et Elisabeth Ridel. Prise de son, Yvan Turc. Mixage, Bruno Mourlan. Et les Vikings sont devenus ducs de Normandie. Perrine Kervran, Véronique Samuilov. Voilà pour ce documentaire de Perrine Kervran et Véronique Samuilov que vous pouvez bien entendu réécouter sur notre site www.franceculture.fr pendant 1000 jours, mais également télécharger par-devers vous donc et le garder par-devers vous pendant un an après sa diffusion. Demain, nous continuons notre histoire des Vikings en nous intéressant à la Scandinavie. Comment était-il ? Comment vivait-il en Scandinavie ? C'est le thème de notre émission d'archives du mercredi.